ton retour, ton retour. Avec l'impatience d'un lapin pour sa carotte, j'attends ton retour, ton retour. Changer l'eau en vin, le miracle est survenu. Moi j'essaye en vain de t'appeler, tu réponds plus. Or, j'attends ton retour, ton retour. Avec l'impatience d'un lapin pour sa carotte, j'attends ton retour, ton retour. Je traîne au café, je me sens triste, ça fait drôle. On n'est que ce qu'on est devant un verre d'alcool. Car j'attends ton retour, retour. Avec l'impatience d'un lapin pour sa carotte, j'attends ton retour, ton retour. Tu m'as mis la tête en 36 épisodes. Je finis aux toilettes mon romantique exode. Car j'attends ton retour, ton retour. Avec l'impatience d'un lapin pour sa carotte, j'attends ton retour, ton retour. Ici-bas, poireauter comme un bagnard, c'est ma croix à moi. Si tu reviens pas, je me barre. Car j'attends ton retour, ton retour. Avec l'impatience d'un lapin pour sa carotte, j'attends ton retour, ton retour. J'attends ton retour, ton retour. Avec l'impatience d'un lapin pour sa carotte, j'attends ton retour, ton retour. La couche de tristesse qui s'amoncelle, j'aurais besoin d'une douche qui dure au moins 2 semaines. Car j'attends ton retour, ton retour. Avec l'impatience d'un lapin pour sa carotte, j'attends ton retour, ton retour.